écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Yaoundé, premier jour, le 15 mai, 15 décembre, samedi, 14h. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la parole. On y va. Tout le monde dit que les autres vont s'asseoir devant. Finalement, les qui vont s'asseoir. Okay.